Seconde Corinthiens chapitre 10. Au reste, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi qui m'humilie lorsque je suis en votre présence, mais qui étant absent suis hardi à votre égard. Je vous prie, dis-je, que lorsque je serai présent, il ne faille point que j'use de hardiesse, par cette assurance de laquelle je me propose de me porter hardiment envers quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Ayant la vengeance toute prête contre toute désobéissance, après que votre obéissance aura été entière. Considérez-vous les choses selon l'apparence? Si quelqu'un se confie en soi-même d'être à Christ, qu'il pense encore cela en soi-même, que comme il est à Christ, nous aussi nous sommes à Christ. Car si même je veux me glorifier davantage de notre puissance, laquelle le Seigneur nous a donnée pour l'édification, et non pas pour votre destruction, je n'en recevrai point de honte. Afin qu'il ne semble pas que je veuille vous épouvanter par mes lettres. Car mes lettres, dit-il, sont bien graves et fortes, mais la présence du corps est faible, et la parole est méprisable. Que celui qui est tel, considère que tel que nous sommes de parole par nos lettres, étant absent, tels aussi nous sommes de fait, étant présents. Car nous n'osons pas nous joindre, ni nous comparer à quelques-uns, qui se recommandent eux-mêmes, mais ils ne comprennent pas qu'ils se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes, et qu'ils se comparent eux-mêmes à eux-mêmes. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons point de ce qui n'est pas de notre mesure, mais selon la mesure réglée, laquelle mesure Dieu nous a départie, nous nous glorifierons d'être parvenus même jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes plus qu'il ne faut, comme si nous n'étions point parvenus jusqu'à vous, vu que nous sommes parvenus même jusqu'à vous, par la prédication de l'Évangile de Christ. Ne nous glorifions point dans ce qui n'est point de notre mesure, c'est-à-dire, dans les travaux d'autrui, mais nous avons espérance que votre foi venant à croître en vous, nous serons amplement accrus dans ce qui nous a été départi selon la mesure réglée, jusqu'à évangéliser dans les lieux qui sont au-delà de vous, et non pas à nous glorifier dans ce qui a été départi aux autres selon la mesure réglée, dans les choses déjà toutes préparées, mais que celui qui se glorifie au Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se loue soi-même, qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur loue.